l'ambiance est nice, l'ambiance est sweet. T'as des morts et busta, te donne la couleur tout de suite. Je sais, yes, yeah. Come on, funky flex. Neuf respect dans ma mentale, j'ai mori. Yo, yo. D'accord, bien plus play. Aïe, hip hop, reggae vibes. Check le sky, bébé. C'est bam, come on, bam, come on. L'ambiance est nice, l'ambiance est sweet. J'te donne la couleur toute sweet, girl. Si t'apprécies le raga, il faut bouge ton corps sur le beat. Faut t'indiquer la musique des West Indies en mi bossodène. L'ambiance est nice, l'ambiance est sweet. J'te donne la couleur toute sweet, good boy. Si t'apprécies le raga, bouge ta tête sur le beat. Faut t'indiquer la musique des West Indies. It is alright, cool. C'est dans le club que les femmes et les hommes se défoulent. Les femmes sont mêlées, je vois les Guinness qui déboulent. Donne-moi les feux de slip, c'est moi qui le roule. Original raga, mon film fait bouger les foules. Ta journée a été dure, ta nuit sera cool. J'aime le rap, j'aime le raga et j'aime la soul. Je suis un rastaman, je suis pas un baba cool. Cool. Alright, cool. Je suis de l'ancienne école et j'aime la new school. Ne prends pas pour un ouf dans tech, mais fais fool. Ça fait long time que mon sound system roule. Yo fool. L'ambiance est nice, l'ambiance est sweet. Je donne la couleur toute sweet, girl. Si t'apprécies le raga, il faut bouge ton corps sur le beat. Faut t'indiquer la musique des West Indies en mi bossodène. L'ambiance est nice, l'ambiance est sweet. Je donne la couleur tout de suite. Good boy, si t'apprécies le raga, bouge ta tête sur le beat. Hey, Hey yo, Madinina Guada, darling, lève ton wada. L'ambiance est hip-hop, raga, Mori et Flex Busta. J'suis de la new school, mais j'respecte la old school. Sur la piste, tout le monde black ou blonde cool. Ambiance boycott, soirée fuck up. Kills du d'appel, j'dis j'ai 3 points de côté. 35 degrés annoncés, c'est 37 degrés dans mon verre. Donne envie d'avancer vers la case, rien à faire, y'a qu'à danser. Pour les 48 prochaines heures, éteindre l'organizer. Planning freestyle, j'appelle une partie de l'équipe. Et s'ils ont d'autres projets, j'entraîne les gars dans mes vips. L'ambiance est nice, l'ambiance est sweet. Je donne la couleur toute sweet, girl. Si t'apprécies le raga, il faut bouge ton corps sur le beat. Faut t'indiquer la musique des West Indies en mi-bossodène. L'ambiance est nice, l'ambiance est sweet. Je donne la couleur toute sweet, good boy. Si t'apprécies le raga, bouge ta tête sur le beat. Faut t'indiquer la musique des West Indies, girl. C'est le raga qui te fait bouger comme ça. Je regarde danser et franchement j'apprécie ça. La chaleur monte en moi, pourquoi tu fais ça? Tout le monde devient fou quand tu fais bouger ça. Tes rivales sont des toi-même tu sais ça. En compétition tu les manges comme du samosa. La soirée est wicked, elle est pas coussi-coussa. Demande à ma madre ou demande à Moussa. Nous sommes des vies à vivre que sosa. L'ambiance est nice, l'ambiance est sweet. Je donne la couleur toute sweet, girl. Si t'apprécies le raga, il faut bouge ton corps sur le beat. Faut t'indiquer la musique des West Indies en mi-bossodène. L'ambiance est nice, l'ambiance est sweet. Je donne la couleur toute sweet, good boy. Si t'apprécies le raga, bouge ta tête sur le beat. Faut t'indiquer la musique des West Indies en mi-bossodène. L'ambiance est nice, l'ambiance est sweet. Je donne la couleur toute sweet, girl. Si t'apprécies le raga, il faut bouge ton corps sur le beat. Faut t'indiquer la musique des West Indies en mi-bossodène. L'ambiance est nice, l'ambiance est sweet. Je donne la couleur toute sweet, good boy. Si t'apprécies le raga, bouge ta tête sur le beat. Faut t'indiquer la musique des West Indies. Hey yo, spécialement dédicacé à tous les fêtards du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Comment c'est Egypte? T'as demandé comme back again, man, yo. Serious team. Yeah, yo, come on.